Bonjour, vous êtes bien sur le numéro que vous avez composé. Sauf que le propriétaire de ce numéro n'est pas là. Son répondeur téléphonique est en réparation. Je suis le réfrigérateur. Alors je vais essayer de noter votre message sur un bout de papier et de me le fixer sur la porte avec un magnétique, mais faudra que vous parliez lentement parce que j'ai pas l'habitude. Merci. Après le bip, c'est à vous.